Cinquième partie, chapitre 12, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote par saint François de Sales. Cinquième partie, chapitre 12. Troisième considération sur l'exemple des saints. Considérez l'exemple des saints de tout âge, de tout sexe et de tout état. Que n'ont-ils pas fait pour aimer Dieu avec un entier dévouement? Regardez les martyrs, inébranlables en leur résolution. Quels tourments n'ont-ils pas souffert plutôt que d'en rien relâcher? Voyez ces personnes si belles et si florissantes, l'ornement du sexe dévot, plus blanche que les lys par leur pureté, et plus vermeille que la rose par leur charité. Les unes à 12 ans, à 13, à 15, les autres à 20, à 25, ont enduré plusieurs martyrs, plutôt que de changer de résolution, non seulement sur la foi, mais même sur la dévotion, soit à l'égard de la virginité ou du service des pauvres affligés, soit à l'égard de la consolation de ceux qu'on conduisait au supplice, ou de la sépulture des morts. Ô Dieu! Quelle constance a fait paraître ce sexe fragile en ces occasions? Regardez tant de saints confesseurs, avec quelle force d'esprit ont-ils méprisé le monde? Combien leur fermeté a-t-elle été invincible? Rien n'a jamais pu l'ébranler. Ils ont pris leur parti sans réserve et l'ont soutenu sans exception. Mon Dieu, que n'a pas dit saint Augustin de sa sainte mère? Avec quelle constance suivit-elle son dessein de servir Dieu fidèlement dans le mariage et dans la viduité? Et combien de traverses, d'obstacles et d'accidents saint Paul, la chère fille de saint Jérôme, n'eut-elle pas à soutenir et à combattre, comme nous l'apprenons de lui? Mais que ne devons-nous pas faire sur de si excellents modèles? Les saints étaient ce que nous sommes. Ils faisaient tout pour le même Dieu que nous adorons. Et ils travaillaient pour acquérir les mêmes vertus. Pourquoi donc n'en ferons-nous pas autant dans notre conduite et selon notre vocation, pour soutenir la sainte protestation que nous avons faite d'être à Dieu? Fin du chapitre 12, cinquième partie.